Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه الأصل العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا. Dixième et dernier fondement, l'iltizam bil-kitab wa sunnah. Et s'accrocher au Coran et à la sunnah. Fi kullu shu'unina, fi kulli shu'unina wa ahwalina. Dans tous les domaines, on doit s'accrocher au kitab et à la sunnah. Le Coran, c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnah, c'est min al-wahi. Wa ma yantiqu an il-hawa. In huwa illa wahyun yuha. Et al-wahi, vihi al-nur wal-huda. Celui qui va être guidé, il n'a plus qu'à suivre ces deux sources. Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Et Cheikh Abdus Salam, rahmatullah alayhi, il a cité à plusieurs reprises dans tous les fondements qu'on a vus auparavant l'importance de suivre Al-Adillah, l'importance de suivre Al-Haqq ila akhirah. Et il a conclu cette risala avec ce fondement. Qala, iltizamuna bil-kitab wa sunnah. في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها وذلك وقوفا عند قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهذا واجب على الجميع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. Et aucun mu'min, aucune mu'mina n'a le choix fi hada. Idha qada Allah wa rasuluhu, et si Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé que telle chose c'est obligatoire, personne n'a le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ont jugé anna telle chose c'est haram, il ne faut pas le faire, personne n'a le choix. Hada, hadi l'aya, c'est un rab ala du'at al-hurriya wal-inhiraf wal-ilhad. Ce qui appelle à la liberté. L'insan, il a le choix. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut ne pas croire, il ne croit pas. Et qu'annahum, ils sont sawa. Hada, c'est min asalib, ahl al-ilhad. Fal yahdhar al-muslim. On doit faire attention. Hum, il faut apparaître la chose. Si tu suis din, c'est ton choix. Si tu ne suis pas, c'est ton choix. Qu'annah, il n'y a pas de hisab à la fin. Amma al-aqil, fal haqiqa. Et هؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر وإلا ستجيء هؤلاء دعاة التحرير دعاة الحرية. Si tu leur dis ان si واحد يموت il a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il va finir éternellement. Est-ce que c'est pareil? Là, enfin, si il croit, il est obligé de revenir à ton qawm. Mais vu qu'ils ne croient pas, ça ne les dérange pas. Pour eux, il n'y a pas de hisab. Pour eux, il n'y a pas de jannah ou nar. Choisis ce que tu veux. Pour eux, ce n'est pas haq. Et l'autre, il choisit ce qu'il veut. Mais si tu choisis le dîn, il te combat. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous, walillahi alhamd, nu'min billah. Wa nu'min bil yawm al-akhir. Wa nu'min bil jannati wa nar. Et on sait qu'on aura des comptes. Donc on doit appliquer. L'haqiqa, c'est pour toi. C'est pour sauver ton nefs. Amma ha'oula, ceux qui propagent ces idées, t'es libre, tu fais ce que tu veux, on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un, est-ce qu'ils vont être utiles yawm al-qiyamah? Abadan. Bel, ils ne vont pas être utiles les anfusihim. Pour eux-mêmes, ils ne seront pas utiles. Et est-ce qu'ils auront gagné quelque chose avec cette da'wa, cette prétention, on est libre, la liberté? Abadan. Ils seront finnards. Akhil Karim, pense à hadha al-yawm, yawm al-qiyamah. Et celui qui pense à hadha al-yawm, il a l'iman bil-yawm al-akhir. Tous ces ordres qu'il faut appliquer, ou ces interdictions, on doit s'écarter. Al-haqiqa, ça va lui être facilité. Li'anna ifa hadha mahabbatan, min bab al-mahabba. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhaf. Et il espère, comme on a détaillé dans le tafsir surat al-Fatiha. وقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله. Hey, مثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire telle chose. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit telle chose. Al-mu'min yaqul sami'na wa ata'na. Et on a entendu et on obéit. Et il applique autant qu'il peut. Fattakullah mustata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala قال وأولئك هم المفلحون. Celui qui veut réussir tariqatul falih, c'est hadi. Amma ma baluk alladhina yaqulun, t'es libre. Si tu veux pas faire, lâchez alayk, tu veux croire. Si tu ne veux pas croire, il n'y a rien, vous êtes égaux. Est-ce qu'ils font partie de ha'oula al-muflihoun? Abadan. Bal qala azza wa jalla wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Fal fawz il est muta'alliq bi at-ta'a. Ceux qui réussiront, c'est ceux qui obéissent. Ceux qui désobéissent, ils réussiront pas. Même s'ils prétendent être libres, ou t'as le choix, ou ça sera d'aucune utilité. Indallah subhanahu wa ta'ala. إلى قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن si un قوم يرفض فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أي chacun il rendra des comptes par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que leur prétention à la valeur être utile? Abadan. والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أكبر جمع للمسلمين وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله القرآن الكريم. أي celui qui veut la guider, il veut pas s'égarer, il a plus qu'à s'accrocher à ce Coran, au précepte de ce Coran. Tout ça avec علم. لأن هذا القرآن فيه أحكام وفيه مسائل كثيرة. فالمسلم il revient à ce Coran. Et quand il ne sait pas, il demande et il applique autant qu'il peut. هذا إن شاء الله سيرا في خير. وثبت أيضا في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. قال في الحاشية وصححه والإمام الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. في هذا الحديث زيادة السنة القرآن والسنة سيلدو السخص. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تضمن الله عز وجل لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الشك في الحقيقة مسلم بل tout le monde espère هذا أنه لا يشقى أي ne pas être malheureux que ça soit في الدنيا أو في الآخرة. لكن بعض الناس ils ont pris un chemin pour être heureux qui n'est pas le bon. بعضهم ils pensent que c'est l'argent فقط. بعضهم كأنه il va vivre هذه الدنيا il ne va pas être ressuscité فإن fait tout pour être heureux ici-bas فقط. بعضهم d'autres choses, بعضهم ils mentent pour être heureux, بعضهم ils volent, بعضهم ils accusent à tort, بعضهم ils sont injustes, tout ça pour être heureux, pour de l'argent ou pour. Amma al-muwaffaq, c'est celui qui applique هذه الآية, فمن اتبع هداي, et celui qui suit la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran ou le Sunnah, فلا يضل ولا يشقى. Il ne s'égarera pas في الدنيا, لأنه il est على الثبات, il est على العلم. Et كذلك لا يشقى يوم القيامة. Il ne sera pas malheureux يوم القيامة. لماذا؟ لأنه il est mort على التوحيد وعلى السنة. فإن شاء الله تعالى il sera على خير. فالالتزام بالكتاب والسنة أمر واجب ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا به عناية عظيمة وأن يجعلوها نصب أعينهم. فمن الدعاة وللأسف من يقدم هواه ورأيه من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح. Faire attention à ne pas appeler à son nafs. Faire attention à ne pas appeler à un tel min al-bashar, même s'il contredit al-haq. appeler à ce sur quoi il est lui et ses amis. Là, on doit appeler au haqq, même si ça khalif ton shir, même si ça khalif tes amis, même si ça te khalif ant. Donc, ad-da'wa, c'est ad-da'wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-ba'd kama qala rahmatullah alayhi wa nas'alullah al-afiyya wa salama, ils appellent à leur avis à eux. Tant que tu ne contredis pas, il est d'accord avec toi. Si tu le contredis, il est pas content, même si tu suis le haqq. Et c'est ça le hawa. Et c'est ce point qu'on doit faire attention. Le haqq, il n'est pas forcément avec nous. Et l'erreur, elle n'est pas forcément avec ceux qui nous contredisent. Là, le haqq, c'est celui qui suit le kitab au sunnah. L'erreur, c'est celui qui contredit le kitab au sunnah. Alors, on doit faire des efforts fi hadha al-bab. Et ne pas se précipiter, comme on l'a cité dans le dars précédent. Al-masa'il, ça demande du temps, ça demande des recherches. Kadhalik, on fait attention au ta'assub. Tel cheikh, il n'a pas forcément raison, et tel cheikh, il n'a pas forcément tort. Là, al-masa'il al-khilaviyya, on doit avoir un comportement. Et notre but, c'est de rechercher le haqq et respecter les savants de la sunna. Il a raison dans cette masa'il, là ou il a tort. Tu as pris son qawl ou tu l'as délaissé. C'est un savant de la sunna. Falahu ijtihadu. Et inshallah, il est récompensé à la kulli hal, yadour bayna al-ajr wal ajrayn. Falhamdulillah. Amma, vouloir appeler à son avis, vouloir que les gens ils nous suivent nous parce que c'est nous, iyadun billah, ça c'est le hawa. Ça c'est le hawa. Falihada al-ulama rahmatullah alayhim. Kathiran, ils ont un avis dans une masala, thumma ils délaissent cet avis. Pourtant, ils ont des suiveurs. Pourtant, le qawl il a un wajh. Lakin, إذا تبين لهم أن القول يخالف حديث أو آية أو يساperçoivent que l'autre قول il est plus juste, ils reviennent et ils délaissent le قول, même si ils ont des suiveurs, et ربما les suiveurs ils restent sur ce قول. هذا c'est ça ثمرة الإخلاص والعلم. الحقيقة هذا العلم خاصة الداعي إلى الله, il doit دائما se rappeler أن c'est du dîn. Il ne défend pas son œuf, il ne défend pas une entreprise, il ne défend, défend pas quelque chose qui possède lui. Là, c'est dinullah. Et celui qui veut défendre ou propager dinullah, il doit le propager comme amour Allah Azza wa Jal. Bi ikhlas wa sidq wa ilm. Qala, wa in kana yusammi hadha al-hawa ou hadha al-ra'i musamman akhar li yubirrir bihi hadhihi al-mukhalafa. إن هذه التسمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. On a déjà cité هذا الكلام. أن البعض, tu lui montres le dalil, أن cette chose c'est haram. Il peut pas contredire le dalil, il a aucun argument. لكن pour montrer, il veut pas délaisser cette chose. Et pour montrer annahu il suit le haqq, il dit lakin tel cheikh il a dit. Il veut montrer annahu il suit le haqq en suivant tel cheikh, alors que fil haqiqa au fond de lui il sait très bien qu'il suit al hawa et il n'a aucun argument. Enfin, même s'il appelle cette chose suivre le ulama, fil haqiqa il en suit un et il suit pas les autres alors que les autres ils ont montré le burhan, fil haqiqa il suit sa hawa. Même s'il dit ou il appelle à suivre tel cheikh ou les savants, ça lui est d'aucune utilité. La tusmin wa la tourni min jou'. Et cette mu'amala. On a une mas'ala. On a un avis. Wahid, il nous montre un autre avis. On n'a pas le droit de le bloquer et dire là, là, mais Cheikh un tel, il a dit. Lakin lui aussi va dire Cheikh un tel, il a dit. Enfin, la mas'ala, c'est pas est-ce que Cheikh, il a dit. Amla. Ba'd al-mas'a'il, l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, vin nail, nail al-awtar. Ou l'imam Ibn al-Qayyim ou d'autres, ils citent, ou l'Hafid ibn Hajar fil Fath, ils citent plus de 20 ou 30 qawl dans une mas'ala. Et chaque qawl, il y a des imams, il n'y a pas un imam, il y a des imams. Enfin, si Wahid Matalan, il vient, il prend le premier qawl, il dit, mais Cheikh Antel, il a dit. Le deuxième, il va dire, Cheikh Antel, il a dit. Peut-être qu'il va prendre un savant qui a plus de ilm et qui est plus ancien. Un troisième, il va venir, c'est pas ça de dîn. On sait très bien, Cheikh Antel, il a dit, si tu nous le dis, Inch'Allah, c'est que c'est vrai. Lakin al-an al-haq, il est wahid. Est-ce que tel cheikh il a forcément raison? Il est obligé de répondre non. Et nous, كذلك, on dit le shir qu'on suit dans cette mas'ala, il n'a pas forcément raison, que ce soit Shir ibn Baz ou Shir al-Albani ou غيرهم من أئمة السنة. بقي ماذا؟ Si c'est une mas'ala khilafiyya, le but c'est de rechercher le haq. فماذا عندك من الأدلة؟ Et هذا يسيد, et on fait des recherches نتعاون jusqu'à qu'on trouve le haq. Quand on aura trouvé le haq واحد, forcément des autres savants, ils auront un autre qawl. Inch'Allah, c'est des savants de la sunnah, ils ont une excuse. Imma le hadith, il n'aurait pas parvenu, hada yahsul. Imma le hadith, il n'aurait pas parvenu, là que la compréhension, elle change, comme on a vu dans notre premier dars, la mas'ala sur salat nafila. Est-ce que tu peux la couper, est-ce que tu fais salam? Comme min aqwal imma, on l'a vu ensemble. Et alhamdulillah, à la fin, tu arrives à sortir avec un qawl, et les autres imams, alhamdulillah, ils ont fait leur majhoud. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est un niya, le but, c'est rechercher le haq. أما البعض وللأسف كما ذكر الشيخ عبد السلام يغبس الحق لكن avec des أساليب خطيرة. Il peut pas repousser le حق clairement là. Il va te dire mais tel شيخ il a dit. أو بعضهم يقولون est-ce que tu connais mieux que le شيخ؟ يا أخي المسألة فيها خلاف. Et نحن on te dit est-ce que tu connais mieux que l'autre شيخ؟ فهذا ما يليق. هذا ça arrive de qui؟ De الجهال. والله طلبة العلم ومن باب أولى العلماء ils sont pas حول هذا أبدا بل بعضهم اختلفوا في بعض المسائل et ils ont écrit des رسائل ولله الحمد. Cheikh Al-Albani رحمة الله عليه il était pas d'accord avec certains savants sur certaines مسائل, il a écrit des رسائل مثلا sur الجلباب رسالة نافعة sur قول لقوي رحمة الله عليه. Même si on choisit notre قول, c'est un imam de la sunna, il a fait des efforts et son qawl il est qawi, et il a fait une risale. Wa hakada, d'autres savants, ils ont écrit des livres pour répondre à un qawl qu'ils n'étaient pas d'accord. Lakin bihtirab, ils respectaient l'autre savant, et alhamdulillah, de ce khilaf, il y a eu un fruit des livres, ou des audios à notre époque, ou des rasa'il, ou lillahi alhamdulillah. Et بعض الناس, ils rejettent le haq, c'est le hawa. بعضهم مثلا il veut prendre des photos, tu lui montres que c'est haram, il sait très bien le hadith, il est clair et il a pas la force de Cheikh Ibn Uthaymeen ou autre pour démontrer que ce genre de vidéo مثلا c'est permis. Il connaît pas tout ça, mais vu que lui veut faire et veut pas accepter le haq de l'autre, il rejette. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit rahmatullah alayh, Cheikh Ibn Uthaymeen c'est un imam, il est ma'jour ala kulli hal, lakin al muqallid qui a pas voulu écouter l'adilla et qui ne sait pas répondre, ça montre qu'il suit le hawa. Hada il est athim, comme il a démontré l'imam al-Shawkani rahmatullah alayhi. Celui qui suit aveuglément, il n'a aucun ajr, bel il est athim, et le wajib alayhi, c'est de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas ordonné de suivre autre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Cheikh Abd Salam, il veut te montrer, elle a fait des efforts pour suivre Rasul, et fais attention aux excuses qui sont d'aucune utilité. بعض الناس كذلك et ça s'arrive من العوام أنا, tu lui montres ربما بالدليل يا أخي ne fais pas ça, et tu lui cites, tu argument, à la fin il te dit mais les gens ils font هذا الحقيقة, il ne veut pas délaisser et il ne veut pas admettre qu'il a tort et qu'il ne connaît pas. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Mais les gens ils font, et si les gens ils font, c'est que c'est permis. Là les gens ils font et d'autres ils font. Alors, on est obligé de revenir au dalil. Pourquoi ça serait Haoula qui aurait raison et pas les autres? Ça montre الهواف. Enfin, on fait attention. On fait attention, quand toi, Hadi te conseille, ça c'est une nasiha, ou tu écoutes un qawl qui contredit ce que tu connais ou ton avis que tu as choisi, fais attention de ne pas te précipiter à rejeter. Que ça soit fil rijal, ou Hadi critique ou Hadi critique pas, tu te précipites. Que ça soit fil masail al-fiqh, que ça soit dans toutes les masail, fil nawazil, fais attention, prends le temps, recherche, demande, fais dua. Thumma, inshaAllah ta'ala, à la fin tu vas sortir, même si tu t'es trompé, tu t'es pas trompé bihawa, tu t'es pas trompé en rejetant le haq et en suivant tes passions, tu t'es trompé parce que tu es un être humain. Et la différence, c'est que même si tu t'es trompé, si un jour wahed il arrive à te montrer le haq, tu reviendras. Amma l'autre qui s'est trompé bihawa, même si le haq il est aussi clair que le soleil en plein jour, il l'acceptera pas. Et c'est ça la différence. قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة هؤلاء قد ضلوا سواء السبيل. بعضهم يبخطن كو مصلحة الدعوة ميم سي اون كونتخودي دي ادلة ليسونسييل سي مصلحة الدعوة كما يفعل الإخوان المسلمون الضلال نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه L'essentiel, c'est da'wa. On ne se divise pas. Même si ça contredit des adillas claires, l'essentiel, c'est de ne pas diverger. Et tu me pardonnes, je te pardonne. Tu me trouves des excuses, je trouve des excuses. Il n'y a plus de na'i'an mon corps. Et iyadam billah, ils se sont égarés. Hatta dakhala fi hadhihi al-firqa. Kull mubtil. Des rawafid, des nasara, des jami' min jami' al-tawa'if, ils sont rentrés fil ikhwan. Iyadam billah. Fa maslahatu da'wa, c'est fil ittiba'. Même si on n'est pas beaucoup. النصرة بيد الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم pour faire avancer une da'wa pour réussir c'est pas le nombre c'est d'être على الحق l'essentiel c'est qu'on meurt على الحق même si on n'est pas beaucoup هذا أما le grand nombre تأمل الإخوان المسلمين الآن ils sont partout ils sont beaucoup لكن c'est une jama'a qui combat الحق qui contredit الحق ليل نهار Est-ce que le grand nombre c'est utile? Abadan. Qala wa mimma yaj'alunahu anna man nawa'ahum wa 'adahum wa kashafa ma yantawun 'alayhi min al-batil yujawwizun al-iftira 'alayhi wa ilsaq at-tuham bih li'anna dhalik fi nadarihim maslahat ad-da'wa maslahatun lid-da'wa 'iyadan billah hatta yastawiz mentir a critiquer a accuser a tort wahid ki li contredit pour maslahat ad-da'wa لأن pour préserver la da'wa al-kadhib la yajouz être injuste la yajouz bal si un tel il vous contredit regardez qu'est-ce qu'il a min al-adilla khasatan s'il est à la ilm khasatan si c'est un savant de la sunna et on regarde et si c'est du haq on suit même si ça contredit ce sur quoi on était ou ce sur quoi on a été éduqué ou ce qu'on a étudié on revient qala ولا يعتبرون بقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا accuser un muslim à tort فلهذا نحن دائما نقول aux frères ne vous précipitez pas والله accuser واحد c'est pas simple dire à واحد c'est un munharif c'est un mubtadi c'est un hizbi c'est un dhal c'est pas simple لان si c'est pas vrai t'as été injuste والله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بغير ما اكتسبوا alors qu'ils sont innocents قال عز وجل فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اي c'est un péché clair qu'ils ont fait et ils ont été injustes يوم القيامة les comptes et on doit faire attention t'es pas responsable un tas des autres si c'est بعلم pour mettre en garde والحمد لله il y a une مصلحة Et t'as des savants de la sunna ma'ak. Alhamdulillah, c'est du khayr. Amma se précipiter comme ils font le ba'd. Accuser à tort. Et c'est du à peu près. Et être injuste envers un tel. Thumma inda tahqiq. Wahadi, il veut revenir, la tawba, elle n'est pas claire. Ah là, ça ne fait pas partie du ilm, fi shay. Wallahi, ça ne fait pas partie du ilm. Fal insan, yata'ammali tout doucement. Et attention, répète, à ne pas vouloir faire les choses tout seul. Il y en a ceux qui sont injustes en général, c'est ceux qui font tout seuls. Ils ne reviennent pas à ahl al-ilm. Et ils ont des déductions tout seuls. Et fil haqiqa, quand tu viens à haqqaq, c'est fondé sur rien. Ta'alamoun anna al-ba'd an, ils répondent à certains, c'est des choses personnelles. Et ils font passer hada au nom de da'wa. A'iyadam billah. On n'a pas le droit d'utiliser da'wa pour critiquer un tel, l'imada li anna fi nafs, il y a quelque chose contre lui. Là, il y a juz. C'est du din. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ça في الحقيقة tout ça ça revient à la niya et à l'ikhlas لهذا tu trouves le salaf أن leur كلام il était قليل أما tu trouves le بعض الآن ليل نهار ليل نهار فلان فلان فلان ليل نهار في الحقيقة c'est pas fondé sur العلم قال لا يعتبر بهذه الآية لأن مصلحة الدعوة عندهم مقدمة فهذا خطأ محض وضلال مبين يجب على من تلبس به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه فإن الذي هو عليه ضلال مبين وجرم شنيع أي نعم celui qui a ce genre de choses qui a fait ce genre de choses فليتوب إلى الله ويترك هذا ويطلب العلم et en étudiant العلم il connaîtra مصلحة الدعوة أما faire comme les ikhwan y font أو أطخ من الضلال كما بين الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه فضلال مبين وهو الذي قد حذر منه السلف وهو في الحقيقة امتداد لأهل الرأي الذين نابذهم السلف ودارت بينهم وبين السلف معارك طاحنة حتى نصر الله تعالى أهل السنة عليهم ودحض باطلهم وله الحمد والفضل والمنة. صحيح أن السلف رحمة الله عليهم على وقت يجب أن يكون خلاف مع أهل الرأي أي أن يكون qu'ils ont délaissé, qui ont délaissé les textes et ils faisaient passer la raison avant. والعلماء ردوا عليهم من أئمة السنة وحصل خير عظيم. Pourquoi? لأن هذه المعارك c'était entre le haqq et le batil. Et أهل الحق ils avaient du علم. فالله نصرهم ولله الحمد. ومما ينبغي أن يعلم أن عدم تحكيم الكتاب والسنة في كل الشؤون والأحوال ينجم عنه من الأضرار والمفاسد الشيء الكثير وقد عدد الإمام ابن القيم رحمه الله بعض هذه المفاسد وبعض هذه الآثار المدمرة فأحسن أحسن الله إليه إذ يقول في كتابه الفوائد أي نعم أن ne pas appliquer le Coran والسنة dans certaines choses, c'est très grave. كذلك البعض ينظرون إلى الآخرين يسبلي أمم. فالبعض ربما يفهم des مصائب, des مخالفات. Et دائما il regarde les autres. Quand c'est les autres, il a une chita et quand c'est pour lui, il laisse aller. هذا c'est pas من الحكمة. بعض الناس مثلا دائما critique les gouverneurs. Ça peut être des erreurs vraiment et ça peut être des choses inventées. المهم et il s'oublie lui-même. ربما في بيته il y a des مصائب. Et il regarde دائما le gouverneur, il a fait le gouverneur. هذا c'est pas من الحكمة. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان. Trois choses عيادا بالله qui peuvent pousser الإنسان à l'égarement et à délaisser le kitab ou le sunnah. الآراء, les avis. لأن un avis, ça reste un avis. الحق في الكتاب والسنة. فأحيانا تأتي دليل واضح ثم تأتي savant ربما ما بلغه هذا الحديث il n'avait pas une connaissance de ce hadith et il a un avis. On n'a pas le droit de délaisser الدليل pour l'avis même si c'est un savant de la sunna. فلهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول وتقدم معنا الآثار أن رأي سفيان ومالك والشافعي سواء عندي c'est la même chose. إنما الحجة في الآثار أي لا بروف سي في الآثار أي الكتاب أو السنة. الآن عندنا مسائل أحيانا tu as plusieurs avis, tel cheikh il a un avis, tel cheikh il a un avis, et tu trouves un dalil qui est clair, reviens au dalil. Et ce dalil, tu trouveras forcément des savants qui l'ont expliqué, qui l'ont appliqué. Et كذلك, tu reviens à ce dalil en revenant aux savants. On ne fait pas l'erreur de certains naïveux, qu'on prend tout seul et il délaisse à quoi l'ahl al-ilm. Ah, c'est une autre porte d'égarement, yadam billah. Deuxième chose, al-qiyas. Comparer, al-qiyas, on peut traduire par comparer. Il compare une chose avec une autre alors que ça n'a rien à voir. Al-Ikhwan, al-Muslimoun, al-Dhullal, ils ont autorisé al-Intikhabat en les comparant à Shura. Ils ont fait un qiyas, c'est un qiyas facile. Comment comparer al-Shura qui s'était fait le Coran avec al-Intikhabat, les élections qui ont été emmenées par le Kuffar. Al-Shura, c'est Ahlul Hal, wal-Aqd, al-Ulama, al-Sulaha, al-Uqala. Qui choisissent, al-intikhabat c'est tout le monde. Al-juhal, wal-fussaq, wal-kafara, tout le monde. Comment tu peux comparer hada wa hada? C'est quoi la cause de l'égarement? Al-qiyas. Faire attention de ne pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Al-qiyas il a des shurut. Al-ulama il les cite fait kutub al-usul. Wa min hadhihi shurut c'est que l'illal soit jami'a wahida. Et la cause c'est la même chose. Amma comparer deux choses différentes. ثم سيت حكم ساسي من الانحراف. الاستحسان troisième chose. الاستحسان ça vient de quelque chose de حسن. استحسان ça veut dire penser que cette chose il n'y a pas de mal ou que cette chose c'est bien alors qu'il n'y a pas de délit. فكم من الناس انحرفوا à cause de l'استحسان alors qu'il y a un délit. مثلا بعض البدع استحسانات ils disent qu'il n'y a aucun mal. Mathalan, al-Mawlid, al-Nabawi, c'est une bid'a. Al-Ulama, ils ont démontré que c'est une bid'a. Mais ils ont dit istihsanat. Il n'y a aucun mal, c'est pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour réciter sa biographie. Il a akhri istihsanat, nuharafu, c'est une bid'a. Wa kullu bid'atin dhalala. Ces trois choses, al-ara, wal-qiyas, wal-istihsan. Les trois choses, ça pousse à l'égarement, yadam billah. Wa aqwal al-shuyukh. Quatrième chose, aqwal al-shuyukh. Ça veut dire quoi, hein? Il va expliquer. Un qawl al-shir, il peut être sawab, il peut être ghayr sawab. Et si c'est un savant de la sunna et c'est un mujtahid, falhamdulillah, il est, s'il a raison, il a de récompense, s'il a tort, il a une récompense. Hada wadih kama ja'a fil hadith. Lakin, le suiveur, s'il ne fait pas attention et il suit le hawa, rubbama, il s'égare avec le qawl d'un shir. Maintenant, tel shir, il a dit que telle chose s'est autorisée alors que c'est haram, le shir, il a une excuse. Il a fait une fatwa, il est mujtahid, il est akhiri, ça arrive, il n'est pas ma'asoum. Celui qui suit prend son erreur. Thumma l'erreur d'un autre. Thumma l'erreur d'un troisième. Hatta l'ayadim billah yinhalif. Qala ba'du salaf, man tatabba'a rukhas al-ulama, ou zallat al-ulama. Celui qui suit les erreurs des savants, tazandaq. Az-zandaqa, c'est le fait de sortir du din, ayadim billah. Là, il va prendre l'erreur de cet imam, l'erreur de cet imam, l'erreur de celui-là. Et toutes les erreurs, elles vont être en lui, iyadam billah. Hatta il ne lui reste pas grand-chose de son din. Fal muwaffaq, c'est celui qui suit al-kitab wa sunnah. Qala, urida lahum min dhalik fasadun fi fitarihim, wa dhulmatun. Na'am, wa dhulmatun fi qulubihim, wa kadarun fi afhamihim, wa mahqun fi uqulihim, wa ammathum hadhih al-umur. Ça les a aveuglés. Ils n'arrivent plus à comprendre. Les mains dans les anna, ils n'ont plus de base. C'est au sol qu'on a étudié ensemble. C'est des usul. Usul al-manhaj al-salafi, ça va t'aider à emprunter hadha at-tariq. T'as des usul. Walillahi alhamd, tous les fondements qu'on a vus et d'autres. Ha'oula, ils n'ont pas tout ça. Ils ont un jour, il faut suivre un tel. Tumma, ils se contredisent un jour un tel. Tumma, des comparaisons. Tumma, istihsanat, c'est pas grave. Et ayyadam billah. Ils sont sur rien. Une chose, ils peuvent délaisser ou s'égarer. قال وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرة فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور أي سامثال كده الإمام ابن القيم هؤلاء quand il y a des gens du khair ils vont suivre quand ils sont éprouvés ces gens du khair ils sont plus là et ils sont remplacés مثلا l'imam de la mosquée c'est un soufi un dhal halik. Et autour d'eux, il y a des min ahl al-bid'ah et wal-ahwa, ils s'égarent, les anna, ils les suivent. Ils n'ont pas de mizan. Ils n'ont pas de mizan, anna, je suis un tel, li annahu il a le haq. S'il n'a pas le haq, je ne suis pas obligé de le suivre. Bel al-wajib, c'est de suivre le haq. Ha'oula, ils suivent avec les mots, yadam billah. Vous avez remarqué que le muqallida, quand tout va bien, falabas, ils suivent avec les mots. Tu le vois, hein? Anna, on est ma'al ulama, on est ma'al ulama, alhamdulillah, tout se passe bien. يا خلا بين أهل العلم فعيدا بالله فتن وطعونات لماذا لأن quand tout se passe bien le muqallid ça se passe bien quand ça va pas son taqlid ça marche plus لأن الحق واحد العلماء ils ont une divergence t'es obligé de revenir et avoir un adab et savoir comment te comporter أما البعض quand il y a la fitna عيدا بالله il s'égare قال لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت ورايتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس أي كنت cette époque, elle arrivera, elle a tout ce mélange, et بعض الناس يبل بل حق بل تقليد وتعصب وفتن إلى آخره. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه لا سيت أن celui qui est mort il est أحسن que celui qui est vivant. الحمد لله s'il est mort على الخير il est préservé بإذن الله عز وجل. أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. Allez, là on doit faire attention. لا تغتر بما أنت عليه اليوم. Et كذلك ne sois pas satisfait de l'égarement d'un tel ou un tel. Ou le kibriran. Anna Fulan, je connais le haq et les autres, ils se sont égarés. Wallahi, les fitan, ça vient très très vite. Comme il y en a, ils pensaient être à l'al-haq. Ou yat'anouna fil akhirin, bi ghayr haq, bel bidhon. Thumma, ils ont été éprouvés. Eux-mêmes, ils sont tombés dans des fitan. Et ils accusent certains de faire des choses et eux-mêmes, ils le font. Anahnou, on n'accuse pas les autres bi batil. Et on n'est pas content de l'égarement de quiconque. On montre le haq. Et on a de la rahma autant qu'on peut. Et le but, c'est de montrer. Et celui qui veut que l'égarement, fa-nas'alullah azza wa jalla an yahdihi wa yakfina sharra. Et at-tawadu', insan, il soit modeste, wal-ikhlas, et on fait attention. Et demande da'iman à Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Amma al-ba'd yaghtar bi nafsih. Annahu il est à la haq. Et il se moque d'un tel. Annahu il accepte pas la haq. Il se moque d'un autre. Annahu c'est un égaré. C'est un munharif. C'est un kada. C'est un kada. Allah, il l'éprouve après. On ne doit pas se vanter. Là, celui qui est garé, Allah yakfina sharra. Et on ne se mélange pas à eux. Et la modestie, hatta inshallah on meurt à la hada al-khayr. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Et on ne sait pas combien il nous reste à vivre et combien de fitnes encore. Est-ce que tu as un engagement que chaque fitna tu vas comprendre la vérité? Abedan, personne n'a cet engagement. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Qala, wal-wajib ala al-du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala yaltazimu al-kitab wa al-sunnah fi jami' ahwalihim li'anna fi l'iltizam bil-kitab wa al-sunnah khayran aziman fi al-din wa al-dunya. Autant qu'on peut. Walidhalika fa inna al-sahabata radiyallahu anhum lamma anzala Allah azza wa jal qawlahu wa in tubudu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله. تأمل هذه الآية. أن الله سبحانه وتعالى يسي تو. Tu montres cette chose ou tu la caches. Allah سبحانه وتعالى يسي. يحاسبكم به الله. Et Allah il vous jugera. Cette آية, vu que الصحابة رضي الله عنهم, ils étaient على حق. Ils étaient على إخلاص. Ils comprenaient cette آية. C'était dur pour eux. أن الله va demander des comptes même dans ce que tu penses. قال شق ذلك عليهم. C'était difficile pour eux. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق. أي ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم أن les obligations que Allah il a révélées, alhamdulillah, on est capable. Ils ont cité الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. Ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم أما ce verset qui est descendu من سورة البقرة, on ne peut pas l'appliquer, c'est difficile. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم أي اليهود والنصارى سمعنا وعصينا. أي il leur a dit صلى الله عليه وسلم, est-ce que vous voulez faire comme ils ont fait ceux qui étaient avant vous, سمعنا وعصينا, on a entendu et on désobéi. قال صلى الله عليه وسلم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Qu'est-ce que tu retires de ce hadith? قال فلما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم خفف الله عنهم. Quand ils ont dit هذا, ce dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris, سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé un verset. قال وأنزل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et c'est chacun selon sa capacité. Celui qui ne peut pas, il est incapable, فالله سبحانه وتعالى لي pardon. قال شيخ عبد السلام فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله عز وجل له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. La solution c'est le kitab ou la sunna. فالصحابة رضي الله عنهم ils sont revenus au prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a montré la solution. فالسلوي qui suit le kitab ou la sunna, الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. الله سبحانه وتعالى يهديه ومن يتق الله يجعل له مخرج. مخرج, une issue. Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera de n'importe quel hum. N'importe quel souci, n'importe quel problème. Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir. Donc, la réussite, c'est pas bil mukhalafat. La réussite, c'est pas en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Bel, celui qui désobéit, il fait que empirer son cas. Fil haqiqa. La solution, c'est fait ta'a. قال ومما ينبغي أن يشعر به أولئك الذين ينكرون على الحكام تحكيم القوانين الوضعية أنهم هم أيضا يحكمون غير شرع الله سبحانه وتعالى في معاملتهم وفي تصرفاتهم كلام جميل أن يكونسيل ceux qui mettent en garde contre les gouverneurs لماذا لأنهم يجوج pas autre que les lois d'Allah كذلك aussi dans des مخالفات فكيل ne s'oublie pas eux-mêmes. Parfois, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouverneur, ils font une manifestation. Les manifestations, c'est haram fil islam. Les manifestations, c'est tashabbuhun bil kuffar. Et c'est une cause d'injustice. Et c'est une cause de beaucoup de mal. Ça n'arrange rien. Enfin, ils reprochent au gouverneur et eux-mêmes, ils font une ma'asiyah. Est-ce que c'est min al-hikma là? Corrige-toi. Et moi, je me corrige et on se corrige tous. Alhamdulillah, les choses, elles iront beaucoup mieux. قال لا أقول إنهم يحكمون غير شرع الله عز وجل في جميع أمورهم ولكن لا أبالغ إن قلت في كثير من أمورهم. Cheikh Abd al-Salam, rahmatullah alayhi, dans cette risala, كثيراً يفيز الإخوان المسلمون لأن leur fitna, elle était قوية وإلى يومنا. Et à l'époque, Cheikh Abd al-Salam, elle commençait leur fitna بقوة في المملكة وفي غيرها. فلهذا يرد عليهم كثيراً. فليتق الله عز وجل في أنفسهم فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. Il conclut sa risala avec cette nasiha طيبة. التقوى, التقوى c'est suivre الكتاب والسنة بإخلاص. C'est ça التقوى, faire les obligations بقدر الاستطاعة avec sincérité, s'écarter des interdictions. C'est ça التقوى, tout ça en suivant سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسب. كذلك demande-toi des comptes à toi-même avant qu'on te demande des comptes. Ça, c'est une nasiha jamila. Tu seras jugé, je serai jugé, on sera tous jugés, on se demande des comptes. يومياً, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Des choses qui ne vont pas, je me corrige. لأنه, un jour viendra, je serai jugé. Enfin, si tu te demandes des comptes à toi-même, tu te corriges et tu fais tawba, ça te sera utile. لأنه, si tu fais tawba, tu te corriges, tu t'améliores, فالله سبحانه وتعالى il te pardonne. Amma, demander des comptes qu'aux autres. Ne regardez que les autres. C'est une maladie, marad. Bardonnès, ils regardent que les autres. Et ils s'oublient eux-mêmes. Les autres, ça finira jamais. Si Foulani se corrige, tu auras un deuxième. Si le deuxième se corrige, tu auras un troisième. Là, corrige-toi toi-même. Et kadalik, montre aux autres. Et t'es pas responsable. Billati Hassan, celui qui écoute, alhamdulillah. Celui qui écoute pas, fa anta tafa' al-wajib. Qala wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالحمد لله انتهينا من هذه الرسالة المهمة. Révisez-la, relisez-la. Ça va vous faire travailler votre arabe. Les mots que vous n'avez pas compris, notez-les, faites des recherches. Et ces أصول كما مضى معنا, c'est des أصول مهمة. C'est des fondements. On a tous besoin. والسلفي الحق, c'est celui qui connaît ses fondements et qui les applique. Parce que salafiyya, c'est pas une étiquette, bas. Salafiyya, c'est pas qu'un nom, bas. Là, salafiyya, c'est une aqida et un manhaj. Et c'est des usul. Les fondements que Cheikh Abd al-Salam il a cités en résumé, huna, wa salafi kadhalik, qui donne de l'importance à sa aqida, que les ulama ils ont détaillé dans des mutun tayyiba, que ce soit al-wasitiyya ou al-tahawiyya ou autre. Et كذلك son objectif c'est le haq. Et كذلك السلفي donne beaucoup d'importance au comportement. Al-akhlaq. خاص Satan avec ses parents, avec ses proches, avec ses voisins, avec ses frères. Et il fait des efforts. Al-salafi, il essaye d'être rafiqun, rahimun. Il veut le bien aux autres. Il y en a akthar al-nas l'an. Imma ils combattent ce manhaj, imma ils contredisent ce manhaj, ils ne savent pas masaki. Ala kulli hal, ils ont tous besoin de هذا المنهج العظيم. لكن c'est aux salafis de montrer aux autres. لأن الأعداء ليل نهار ils essayent de salir ce منهج لأنهم savent que c'est le حق. نحن هنا une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a guidés là, هذا المنهج, ولله الحمد, on a étudié cette risala et autres, enfin, on essaie d'être une porte miftah khair, comme a dit le Prophète sallam, pour les autres. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك